Nigga, nigga. Live and direct. 14.9 boy. Vendredi. Yeah. Yes. Twan in the piece. Twan, you're the man. Yeah, man, alright. Yes. Alright. Yeah, man, parce qu'on est là. C'est la musique qui nous unit. C'est le nouveau millénaire, faut qu'on se réveille. Yeah, yeah, pas dormi, pas dormi. Okay. Alors, pas dormi. Comme on dit. Pour tous les enfants, Sin. Yeah. Donnez mon message, ils sont là, ils nous écoutent. Tous les même parents. Quand tu dors.